travail ne me fait pas peur. Mais je les ferai, j'en ai peur. J'ai deux mains et 10 doigts qui fatiguent mes bras. Et de plus, je les porte sur moi. Je ne sais faire que l'amour, danser, boire, me coucher au petit jour. Je ne connais qu'une chose, je ne sais rien faire d'autre. Je ne sais faire que l'amour pour l'amour. Mon coude peut se lever si un verre est là pour le prolonger. On ne m'a jamais proposé une place à la faculté. C'est pourquoi je viens tout expliquer. Je ne sais faire que l'amour, danser, boire, me coucher au petit jour. Je ne connais qu'une chose, je ne sais rien faire d'autre. Je ne sais faire que l'amour pour l'amour. C'est faire que l'amour, c'est boire, me coucher au petit jour. Je ne connais qu'une chose, je ne sais rien faire d'autre. Je ne sais faire que l'amour pour l'amour.